ma retraite en moine de ma boucherie. Je déballe mon paluchon à froid dans la plus pure tradition. La maîtrise est totale que le ninja en action. Je préconise d'augmenter les doses de morphine au maximum.